La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier épisode déjà d'une série consacrée à l'écrivaine française d'origine russe, Nathalie Sarraute. Une femme dont la biographie se confond en grande partie avec l'œuvre et dont, mis à part les années de guerre, on peut dire que les événements les plus marquants furent avant tout intérieurs, comme ceux qu'elle a consignés dans son livre « Enfance », lequel raconte ses jeunes années par des sensations ressenties à cet âge-là. Jean-Yves Tadié nous en parlait dans l'émission de lundi dernier, en même temps qu'il dressait un panorama général de sa vie et de son œuvre. Mardi, nous étions avec Pascal Fautrier qui nous a également parlé d'enfance, cette fois sous un angle psychanalytique, car si Nathalie Sarraute ne s'est jamais allongée sur le divan et en refusait jusqu'à l'idée, son œuvre en revanche se prête à ce type de lecture. Hier, notre thématique était celle du théâtre avec pour invité Jacques Lassalle, qui a monté nombre de ses pièces et qui est resté ébloui par tout ce que Sarraute pouvait faire passer dans ses textes de ce qui se joue entre les êtres, par-delà le langage lui-même. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une parole plus personnelle et plus intime sur Sarraute à l'occasion de la sortie aux éditions du Seuil d'un livre intitulé « Conversation avec Nathalie Sarraute ». Son auteur Roland Kos est mon invité de première partie et en seconde partie après la chronique de Bernard Géniès de Lobs. L'écrivain et journaliste Michel Gazier nous rejoindra pour parler elle aussi de ses après-midi passés avec Nathalie Sarraute qu'elle a également raconté dans un livre publié, celui-là, aux éditions Naïve. Bonjour à tous, voici la compagnie des auteurs. Jamais je ne me suis rendu compte de l'effet que je pouvais produire. Je ne me vois pas beaucoup du dehors, je dois dire. Ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais l'impression de pouvoir jouer un personnage. Ou alors si j'essayais de le faire, il me semblerait que ça ne tromperait personne, que ça serait inutile. Enfin, je n'ai jamais su jouer un rôle. Et d'ailleurs, le sujet du livre que je suis en train de terminer, c'est justement ça. Je crois que ça correspond d'ailleurs à une réalité intérieure, c'est que chacun de nous, à l'intérieur de lui-même, eh bien, il est l'univers entier. Il n'y a pas d'autre univers que celui que lui perçoit. Et tout ce que les gens voient de lui du dehors lui paraît toujours faux, trop simple, s'il est vraiment sincère. Bonjour Roland Kos. Bonjour. Ça doit pas être facile de faire un portrait de Nathalie Sarraute, surtout quand elle souligne elle-même la complexité à connaître réellement une personne comme elle vient de le faire dans cette archive. Oui, mais en même temps, j'aimerais raconter comment la première fois elle est venue nous ouvrir la porte et comment j'ai vu une toute petite dame avec des yeux extrêmement perçants. Et je suis rentrée émue de cette femme, parce que je connaissais aussi son œuvre, je savais qui elle était. Et à partir de là, moi, je suis personnellement entrée dans un silence. Et c'est ce silence, je crois, qui l'a étonnée et qui a provoqué que lorsque nous nous sommes séparés, elle m'a dit « revenez me voir ». Mais toute seule, car la première fois, j'étais avec un de ses amis attachés culturels qui l'avait fait venir à New York, qui l'avait fait venir à Helsinki et qui a mené la conversation. Vous n'avez pas pu prononcer un mot ? Un oui, un peut-être, mais c'était tout. J'étais redevenue mutique devant cette femme qui pour moi représentait la littérature et j'étais mutique comme j'ai été dans l'enfance quand j'ai perdu ma mère. C'est l'œuvre ou c'est la femme qui vous a rendu mutique ? Je crois que c'est la femme. Mais c'est la femme qui avait fait cette œuvre. C'est les yeux perçants dont vous parliez à l'instant. Oui, c'est une émotion très forte qui a fait que je ne pouvais plus parler. Vous ne pouviez pas jouer un rôle, mais Nathalie Sarraute non plus, elle ne jouait pas de rôle, elle le disait encore, on l'entendait encore à l'instant. Elle répondait très bien à toutes les questions que lui posait notre ami Roland Husson. Elle bavardait, mais lorsque je lui ai retéléphoné, que je me suis excusée de ce mutisme, elle m'a dit « revenez me voir, mais toute seule ». Et c'est à partir de là, progressivement, qu'est née notre amitié. En quelque sorte, elle vous a pris par la main, parce que au départ, vous allez la voir, vous ne lui dites pas un mot, c'est votre amie qui parle, et un peu comme on fait, pardonnez-moi, mais avec une petite fille, elle vous a encouragé à revenir pour lui parler. Absolument, je crois que maintenant, je peux juger, sur le moment je ne voyais rien, mais maintenant je peux juger que mon silence l'a intriguée. Et Roland Husson lui avait quand même dit que j'écrivais sur la guerre, je suis écrivain pour les jeunes, mais j'ai écrit des livres sur les enfants juifs, comme les enfants des yeux. Mmh. Il lui avait dit tout cela en me présentant. Et elle a dû vouloir voir qui, au fond, j'étais. Et ça vous a peut-être rapproché d'ailleurs la guerre parce que elle vous a raconté un petit peu sa guerre, si l'on peut dire. Oui, je crois que nous nous sommes partagés nos guerres. Et comme moi, je l'ai vécu très petite fille, ça l'a intéressé aussi de voir à quel point j'avais été marquée, par moments complètement innocente, dans la résistance où j'étais dans Lyon, heureuse de voir tout ce qui s'y passait. Et puis après, apprendre la mort de ma mère, tout cela a été aussi que je suis tombée dans une certaine culpabilité. C'est peut-être cette culpabilité, ce mutisme, tout cela qui, d'un seul coup, devant cette femme, et je savais ce qu'elle avait écrit, m'est revenu. Vous parlez de la mort de votre mère. Quand vous allez voir Nathalie Sarraute, pour vous, est-ce qu'elle est plutôt quelqu'un de maternel ou plutôt une amie ou plutôt une sœur ? D'une part, elle ne s'est jamais montrée maternelle. Ça, je ne peux pas dire. Autant avec Dominique Sarraute qui travaillait dans son appartement quand elle recevait... Sa fille. Dominique Sarraute, sa fille, quand elle recevait des coups de fil pour elle, elle disait « Je suis sa secrétaire ». Elle notait et après elle me disait « C'est pour ma chérie ». Et ce « ma chérie » était... Il y avait tout l'amour de cette femme pour sa fille. Pour moi, elle était au départ... indifférente, quelque peu, curieuse, c'est tout. Et petit à petit, avec les années, c'est vrai qu'une amitié tendre s'est créée. Alors, Roland de Cause, vous faites donc paraître début octobre ce livre aux éditions du Seuil, Conversation avec Nathalie Sarraute. Ce n'est pas le premier qui y paraît. On écoutera tout à l'heure Michel Gazier qui en a publié un en 2010 aux éditions Naïve. Et encore avant, en 1987, il y avait eu celui de Simone Benmussa, Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ? Et là aussi, il y avait le sous-titre « Conversation » avec, non pas Nathalie Sarraute, mais Simone Benmussa. Vous avez lu ces autres livres ? Oui, bien sûr. Et bon, c'est toujours intéressant de lire, de voir sous quel angle on se réfère avec Nathalie. Et moi, je dois dire que vraiment, c'est la peinture qui m'a ramenée à Nathalie. Après sa mort... J'ai été vraiment dans une grande tristesse. Quelque part, je perdais ma mère spirituelle, parce que moi, j'en étais là. Et bon, j'ai écrit pour moi, ce qui est la fin du livre, du reste, je l'ai retrouvé. Et puis, peu à peu, je me suis remontée, forcément, la vie m'a entraînée. Et un jour, je vais voir le film de Frédéric Wiseman, National Gallery, le musée de peinture de Londres, sur lequel nous avions beaucoup, beaucoup bavardé. « Vous êtes dans la compagnie des auteurs sur France Culture pour une émission consacrée aux conversations que Nathalie Sarraute avait régulièrement avec différentes personnes et avec vous, notamment Roland Kaus. Et c'est beaucoup de peintures que vous avez parlé avec elle. Vous auriez pu appeler ce livre « Conversation autour de la peinture » plutôt que « Conversation avec Nathalie Sarraute » ? Non, parce qu'il y avait la littérature qui était très présente. Elle me parlait comment elle aimait les mots, comment pour elle les mots étaient des personnes, comment elle aimait aussi les retrouver, les capter, les disséquer et dire ce que les mots ne disent pas. Et cela, c'était vraiment sa littérature, des tropismes, de ses romans, de ses livres comme L'usage de la parole, comme Ici, comme Ouvrez, où elle travaille sur les expressions, sur les mots. Et donc, il y avait littérature, mais pour elle, je crois que parler littérature, c'était encore parler travail. Alors que parler peinture, c'était être dans l'émotion d'un passé où elle avait été avec son mari, dans les grands musées d'Amsterdam, de Moscou, de Londres, où elle allait souvent, et où elle allait toujours à la National Gallery. Donc la peinture, c'était une diversion par rapport à l'écriture. Elle trouvait aussi que les peintres avaient beaucoup de chance, particulièrement les cubistes. On a beaucoup parlé de Picasso, de Braque, de Juan Gris. Et parce qu'ils pouvaient, à travers leurs traits, leurs couleurs, la manière dont ils cassaient les portraits, dire énormément plus de choses sur un personnage que l'écrivain. Et alors c'est ce film National Gallery qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Très bizarrement, j'ai vu ce film et dans ce film, il y avait bien sûr les peintures de la National Gallery dont nous avons parlé. Et à partir de là, je suis sortie en me disant, il faut que j'écrive sur Nathalie Sarraute. Mais avant, vous n'aviez pas eu cette idée? Je l'avais eue plus ou moins, mais je l'avais éloignée. Je l'avais éloignée parce que j'avais aussi entendu que ces filles ne voulaient pas qu'on écrive sur elles. Donc, il n'y avait aucune raison que j'écrive. Et là, j'ai téléphoné à Dominique Sarraute pour avoir son accord. Elle vous a dit que la peinture lui donnait une impression d'éternité. Oui, c'est juste. La peinture est là. Je vais souvent au Louvre. Je regarde des peintures que nous avons vues avec Nathalie Sarraute. Elles sont là toujours comme si elles vous attendaient. Et elles attendent la génération qui vient également. Donc, il y a ce bonheur de ce qu'on a déjà trouvé dans la peinture, parfois d'autres choses qu'on y voit encore, mais de cette attente de la peinture. Et puis de retourner sur les lieux où vous avez vous-même emmené Nathalie Sarraute. Vous pouvez peut-être raconter comment vous l'avez presque prise par la main pour l'emmener au Louvre. Le bras. Oui, j'avais eu la chance d'avoir dans un atelier de littérature une jeune femme qui travaillait au Louvre. Je lui ai téléphoné, je lui ai demandé de faire une visite avec Nathalie Sarraute et immédiatement, nous avons eu la possibilité le mardi avec des spécialistes, de visiter le Louvre. Mardi, jour de fermeture. Bien sûr. Donc, Nathalie a tout le temps été à mon bras, et nous avons vu toute la peinture du 18e. C'était le moment où le ministère des Finances avait quitté et où le Louvre s'était agrandi. Donc, nouvelle manière de présenter la peinture, et c'était assez merveilleux. Commenter, nous étions très heureuses. Elle, moi, notre ami Roland Husson qui était aussi présent avec nous, ça a été un grand moment de peinture et maintenant j'y retourne. Et pourquoi la peinture du 18e, c'est elle qui vous avait demandé en particulier ces salles-là? Oui, parce que pour elle c'était une grande époque. C'était une époque où, comme l'avait dit Rousseau, l'homme est né libre, donc il y avait un vent de liberté dans les écrits. C'était une époque où l'on recherchait la sensibilité, la sensation, et elle trouvait que c'était vraiment une époque qui avait fait bouger les lignes de l'être humain, ce qui est vrai du reste, et elle aimait cette époque. Elle aimait d'autres peintures, je vous dis, elle aimait beaucoup la peinture de Picasso, la peinture de Paul Klee, la peinture de Polyakov, les abstraits. Mais le 18e, pour elle, c'était une époque élitéraire, on a beaucoup parlé de Diderot. Par rapport aussi à la peinture, mais aussi à ses écrits, c'était une grande époque qu'elle aimait. Mais alors, vous avez forcément eu envie de lui poser la question du rapport entre sa littérature et les arts plastiques en général, entre sa littérature et la peinture, ou la notion d'esthétique pure. Oui, bien sûr, dans nos conversations, cela revenait, et elle parlait de temps en temps de ce mot très lourd, la beauté. Et qu'est-ce que c'était la beauté pour Nathalie Sarraute ? La lumière dans la peinture, les ombres portées qui disent autre chose, ça l'intéressait beaucoup. Et la peinture du XXe siècle, tout ce qui est la peinture abstraite ou la peinture cubiste, était pour elle une nouvelle construction, un petit peu à l'exemple de ses tropismes, de sa recherche. Donc c'est la beauté qu'elle cherchait ? Je ne pense pas que c'était que la beauté. C'était retrouver une histoire qui avait été quelque chose qui l'avait marqué. Et c'était, là on peut dire, non pas l'éternité, mais revenir et retrouver cette même lumière, ces mêmes personnages, ces mêmes rapports au paysage, par exemple Watteau, ces femmes de dos, ces longs cous, ces coiffures, cette manière de peindre et de peindre de manière nouvelle. On parle avec vous, Roland de Cause, des liens entre peinture et littérature pour Nathalie Sarraute. Il y aurait un rapprochement peut-être à faire entre l'œuvre de Cézanne et l'œuvre écrite de Nathalie Sarraute sur cette question peut-être de la sensation. Oui, de la sensation et de casser les lignes aussi. Chez Cézanne, surtout dans beaucoup de tableaux, les lignes, les routes, les chemins bifurquent, les maisons dansent d'une certaine manière, et Nathalie, ce qu'elle voulait, c'était aller sous les mots, casser les mots, voir ce qu'ils avaient avant que l'on les prononce, ce qu'il y avait après, tout ce qui les entourait. Et c'était ça, si vous voulez, ce rapport qu'elle avait avec la peinture du fin 19e, 20e. Parce que les mots, c'était des sensations, comme on l'entendait un peu dans la chanson. Les mots, ce sont des êtres vivants, disait-elle, mais des êtres vivants qui, comme tout être vivant, laissent une trace avant de venir et laissent une trace lorsqu'ils disparaissent. Et c'est tout ce qu'il contenait, parce qu'elle disait que les mots n'étaient pas capables de tout dire, elle fait le procès de la langue, et à partir de là, elle cherchait, elle, à les ouvrir, à trouver la sensation, les sensations qu'il y avait, qui étaient chez chacun de nous, avant de les dire, et qui restaient après. Et ses sensations, pour elle, c'était cela qu'elle voulait écrire. Et vous, vous vous interrogiez peut-être sur ce travail d'écriture pour arriver à retrouver la sensation parce que on pourrait croire de l'extérieur que c'est un travail qui n'a pas de fin. Et vous lui avez posé la question de savoir, mais quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé de travailler sur un texte ? Ah oui, ça c'était une très belle journée. Moi j'écris des romans, et j'écris des poésies, et il y a des moments où on ne sait pas quand un texte est fini. Je crois que c'est la grande question de l'écrivain, de tous les écrivains du reste. Et alors, nous étions quand même suffisamment amis et suffisamment dans le creux de la littérature, dans la profondeur, pour que je lui pose cette question. Et elle m'a dit, Rolande, c'est le moment où quand on reprend un texte, on le modifie et on se dit ça va pas du tout. Là, on l'abîme et là, il est terminé. Et je l'ai remercié parce que je me suis dit vraiment, et j'en parlais encore avec un ami qui écrit hier soir, de cette définition, et je trouve qu'elle est tellement juste. Et elle avait un lecteur merveilleux. Enfin, je crois qu'il y a eu dans la vie de Nathalie Sarraute deux hommes qui ont tellement compté. C'est son père, qu'elle a adoré. Parfois, je disais que moi, après la mort de ma mère, mon père avait été un père-mère. Et un jour, elle m'a dit oh, « Vous me dites là une belle expression !» Vous voyez. Et ce père, elle a eu des rapports de tendresse avec lui. Parfois des difficultés, parfois ils se sont même disputés. Mais elle revenait toujours, elle dit avec mon père, « Au bout de 15 jours, on n'est plus fâché. » Et ce père l'a vraiment, je crois, constitué après tout ce qui a été dit hier sur la mort, sur l'éloignement, l'abandon de la mère. Et puis après, elle a connu Raymond Sarraute, qui était un homme qui avait été en sanatorium, qui avait beaucoup, beaucoup lu, et qui lui a communiqué cet amour de la littérature, qui lui a fait connaître Joyce, qui lui a fait connaître Virginia Woolf, et avec qui elle a eu vraiment un parcours d'écriture, et elle disait toujours, c'était mon meilleur lecteur, et lui, je lui lisais haute voix mon texte, un simple petit plissement de la joue, je savais que la phrase n'était pas bonne, et souvent je me disais, oui, j'y avais pensé, mais je n'avais pas été assez courageuse pour la reprendre, et pour Raymond, je la reprenais. Et jusqu'à la fin de la vie de Raymond, en 85, elle disait, ça a été mon unique lecteur, et maintenant, je n'ai plus de lecteur. C'était quelqu'un qui écoutait aussi très bien, elle en parle parfois, ainsi Nathalie Sarraute, de son mari comme de quelqu'un qui savait réellement écouter. Oui, d'autant que c'est lui la première fois où elle lui a donné un texte en 33 qui a lu ce texte et qui lui a dit « Mais ce texte est un vrai texte littéraire ». Et elle dit « Là, j'ai eu ma petite idée, j'étais même prétentieuse, j'ai pensé que c'était un poème ». Donc elle s'est dit qu'elle pouvait devenir écrivain, mais elle aurait tout aussi bien pu être architecte, par exemple. C'est un métier qui l'attirait beaucoup. Elle avait un grand amour de l'architecture, ça c'est juste. Elle le raconte quand elle est à New York, elle le raconte à Paris. Moi, elle m'a posé des questions sur la pyramide de verre du Louvre. Mais elle était mauvaise en mathématiques. Et donc, le hasard a fait qu'elle n'a pas pu être architecte. Elle aurait aimé aussi être comédienne, elle le disait. Ce qui est drôle pour Nathalie Sarraute, mais là non plus, elle a été écrivain, et quel écrivain. Donc l'architecture, la peinture, au fond c'est les arts plastiques qui sont le vrai tropisme de Nathalie Sarraute. Oui, mais je crois que... La vision, en tout cas la forme, l'intérêt pour la forme. Je crois que quand on est écrivain, on construit, on est architecte. Architecte de ses romans, architecte de ses textes, et à partir de là, Nathalie Sarraute était une grande observatrice. Elle regardait la peinture, elle regardait l'architecture pour peut-être mieux aussi avoir des métaphores, s'enrichir personnellement et avoir du plaisir à avoir de la peinture et de l'architecture. Roland Cos, Nathalie Sarraute vous a donc parlé un peu de son enfance, mais vous surtout, vous aviez envie de lui parler de son livre « Enfance ». Oui, parce que j'ai travaillé avec des écrivains sur ce livre, parce que c'est un livre très important. C'est un livre qui est au sommet. Un livre aussi peut-être plus facile que ses premiers romans qui sont vraiment... Nathalie Sarraute était une chercheure de tropisme et certains des personnages dans ses premiers romans cherchent les tropismes. Donc, c'est des livres qui sont peut-être plus compliqués à lire. Et puis, tout le monde a eu une enfance, tout le monde a des souvenirs d'enfance. Et ce livre, qui prend un parti pris différent, qui en fait est basé sur des fragments, des moments, des phrases ô combien cruelles pour certaines, des phrases drôles aussi. Par exemple, lorsqu'elle dit à sa mère « mange une cuillère de poussière », et que la mère lui dit « mais qu'est-ce que tu veux me donner ?» La mère un peu indifférente. « Maman, s'il te plaît, mange cette cuillère de poussière, parce que comme ça, j'aurai un petit frère. » Et la mère qui la regarde étonnée, « oui, tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu avais mangé une cuillère de poussière pour m'avoir. » C'est merveilleux. Et c'est en même temps drôle. Elle sait nous faire rire. Et puis, il y a des phrases terribles, comme « quel malheur de ne pas avoir de mère ?» Phrase qui, moi, m'a touchée et bouleversée, et où « ce n'est pas ta maison », dit par Vera, sa belle-mère. Et donc, « Enfant », c'est un livre à la portée de tout le monde. C'est un livre vraiment universel, sur une enfance particulière, mais qui renvoie chacun à son enfance, à travers des petites douleurs ou des petits bonheurs. Un livre qui vous a tellement touché que vous l'avez copié en quelque sorte et vous êtes allé dire à Nathalie Sarraute sur la pointe des pieds « J'ai copié votre livre Enfance ». Oui, et alors elle était merveilleuse, Nathalie, parce qu'elle m'encourageait toujours à écrire. Et elle me disait « Mais c'est très bien, Roland, je ne l'ai pas publié ». On oublie un petit peu l'aspect physique de Nathalie Sarraute, qui était quelqu'un de sportif. Vous en avez parlé aussi avec elle. C'est elle qui me l'a raconté. C'est elle qui m'a dit un jour, quand il y avait une grève, et j'étais partie à pied, et comme c'était quand même une très vieille dame, venir de Saint-Michel à Alma, Marceau, à pied, pour elle, c'était quand même une grande marche, et je lui ai dit qu'on faisait des marches, que ce n'était pas difficile, que j'étais tellement heureuse de venir, que je serais venue par n'importe quel moyen, mais là, il n'y avait que la marche. Et à ce moment-là, elle m'a dit, oh, mais oui, au fait, moi, j'ai grimpé en haut du Mont Blanc. Et puis quand j'étais en Angleterre, mais je faisais du bateau. Et à partir de là, elle m'a montré une autre Nathalie sportive, une Nathalie jeune, parce qu'on oublie, moi qui l'ai vue à partir de 85 ans jusqu'à 99 ans, c'était une adorable vieille dame qui disait « Moi là, je ne connais pas. Je me sens très jeune à l'intérieur. » Mais qui me racontait quand même des anecdotes qui lui étaient arrivées dans la rue, où on l'avait jugée comme une vieille dame. Et donc, si vous voulez, cette Nathalie sportive, cette Nathalie courageuse, cette Nathalie qui a toujours été courageuse, ça c'est une de ses qualités, était vraiment un moment que je revoyais de sa vie de jeune femme, comme quand elle me parlait de ses filles jeunes. Et ça a changé votre manière de la voir, elle ? Ça l'a agrandi. Ça m'a fait voir aussi cette autre Nathalie. Alors, jusqu'à 99 ans, jusqu'à ce qu'elle l'ait, 99 ans, vous l'avez fréquentée. Et puis, un jour, il a fallu que vous vous rendiez à son enterrement, à Chérance, et vous en parlez également dans ce livre. Oui, parce qu'à Chérance, d'une part, nous étions, j'étais avec cette amie qui me l'avait présenté, dans la tristesse. Moi, j'étais vraiment anesthésiée. Voilà, j'étais même plus dans la tristesse, j'étais ailleurs, j'étais, je ne sais pas où j'étais. Et puis, il se trouve que nous étions très en avance et que Roland Husson, qui connaissait très bien sa propriété de Chérance, sa maison de campagne, on va dire, et qu'elle aimait beaucoup, me dit « Allons la voir ». Nous allons la voir, nous reprenons la route, et d'un seul coup, derrière nous, il y a une voiture mortuaire. Et me voilà prise dans une émotion et de dire à Roland Husson, mais écoute, on est sur le chemin du cimetière. Il me dit oui, mais c'est la voiture. Où est Nathalie ? Ça rôde. Et je roule doucement. C'est stupide, mais comme pour avoir encore de la tendresse avec Nathalie. Et nous arrivons au cimetière, et c'était vraiment la voiture qui amenait le cercueil de Nathalie. Et vous avez eu la tentation de ne pas franchir la porte du cimetière. Vous vous êtes dit, ça y est, je l'ai accompagnée sur cette route. Ça suffit, on s'en va. Oui, j'ai eu cette phrase stupide. Mais j'étais tellement là, dans l'émotion d'avoir accompagné Nathalie, alors que je n'ai jamais accompagné ma mère, qui est morte au fin fond de la Pologne. Et à partir de là, pour moi, j'avais fait ce qu'il fallait. C'était ridicule, mais j'étais vraiment dans le tropisme, là. Et mon ami m'a dit non, non, non, et nous avons... Et c'était, d'une certaine manière, mieux, parce qu'autrement, je l'aurais regretté, d'une part, et d'autre part, mon ami a été parler avec Claude Sarraute, et qui lui a dit cette phrase incroyable. À un moment donné, elle a dit « c'est fini ». Et elle est décédée. Comme Tchekhov avait dit, je t'herbe. Je meurs. Voilà. Vous êtes rentré du cimetière et vous avez voulu vous arrêter dans un café. Alors là, nous sommes montés du cimetière et comme je vous disais, j'étais pas en très très bon état. J'ai dit, il faut que j'aille boire un café. Et dans la ville, la petite ville où elle allait écrire, il y avait un certain temps parce qu'elle était venue à un jukebox et elle avait abandonné. Nous nous sommes arrêtés. Il y avait deux cafés. J'ai dit, on va au café de la droite, mais comme ça. Et nous nous sommes installés, j'ai mangé un sandwich, j'ai bu deux cafés pour me remonter. Et mon ami Roland Husson a été voir le cafetier, lui a demandé si c'était dans ce café que Madame Sarraute venait écrire. Et il a dit, oui, c'est à la table où est Madame. La dame, c'était moi. Alors là, il y avait encore un moment extraordinaire. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci Roland de Causse, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour accueillir Michel Gazier, qui elle aussi allait converser avec Nathalie Sarraute l'après-midi. Mais tout de suite, comme chaque jeudi, c'est le moment de retrouver nos camarades de l'Obs avec aujourd'hui Bernard Géniès. Bonjour Bernard. Bonjour. Votre spécialité à l'Obs, ce sont les arts plastiques. Absolument. Et on parlait de Cézanne et Nathalie Sarraute à l'instant. Est-ce que vous diriez, vous, comme ça, a priori, qu'entre Nathalie Sarraute et Cézanne, il y a de commun quelque chose ? Il y a certainement une volonté de représenter le monde sensible, on pourrait dire, à défaut de dire que c'est un monde différent. Cézanne, pour lui, la peinture est un moyen d'exprimer une technique d'abord. C'est pas quelqu'un qui ambitionne de représenter le réel, en ça il est, on pourrait dire qu'il est proche de Nathalie Sarraute. C'est quelqu'un pour qui la peinture, c'est le patron, c'est-à-dire c'est le tableau qui restitue le travail du peintre. Il ne s'agit pas en fait d'être au plus près, de vouloir représenter le réel, de vouloir représenter une montagne. C'est la peinture qui dicte sa loi, un peu comme un langage. Et Sarraute, c'est un écrivain de l'œil pour vous ? Oui, je pense qu'on peut dire qu'elle a... Enfin, de l'œil et de l'oreille, je pense aussi, parce qu'il y a une volonté, en effet, de dire ce qui n'est pas, ou en tout cas ce qui est invisible, ce qui est en devenir... Donc je pense que, oui, on peut dire que c'est un écrivain de l'œil. Moi, je dirais aussi de l'oreille, quand même. Vous êtes venu avec un livre dont vous parlez dans les colonnes de l'Obs, à paraître aujourd'hui, qui est apparu d'ailleurs aujourd'hui. Ce livre, c'est « Le dernier voyage de Soutine ». Oui, et là, on ne s'éloigne pas de la Russie, puisque ce livre, en fait, qui est un roman d'un auteur allemand qui s'appelle Ralph Dutli, et qui s'intitule donc « Le dernier voyage de Soutine », est un livre assez étonnant, qui raconte les conditions dans lesquelles Soutine, en 1943, fait son dernier voyage du Chinon à Paris. Ce voyage, c'est celui de la dernière chance, puisqu'en fait, il est atteint d'un ulcère, et il va être opéré à Paris, il doit être opéré à Paris. Malheureusement, à la suite de l'opération, il va décéder. Et ce livre, en fait, est le récit de ce voyage en corbillard, parce que Soutine est juif, Soutine doit se cacher, il rejoint donc clandestinement Paris, et au cours de ce voyage, qu'il va effectuer sous morphine, il souffre énormément, l'écrivain, en fait, fait défiler le film de la vie de Soutine. Et j'avoue que c'est un film assez extraordinaire, parce que d'abord, sa vie, c'est celle d'un jeune enfant qui grandit dans les environs de Minsk, en Biélorussie, qui va venir à Paris en 1913, qui va rencontrer Modigliani, et qui va développer un art de la sensation, on pourrait dire, un art tout à fait particulier, singulier. Il va être proche de Modigliani. Il ne va pas faire la peinture de Modigliani. Lui, il est plus proche d'une peinture expressionniste. C'est-à-dire, pour lui, en fait, ce qui importe avant toute chose, c'est la forme et c'est surtout la couleur. Et le livre raconte très bien, d'ailleurs, à un moment, l'auteur dit en français, douleur rime avec couleur. Et au long de ce périple, si on peut dire, qui n'a rien de pathétique au sens où l'auteur ne joue pas sur le larmoiement, sur les sensations exacerbées, mais au contraire, il nous montre en fait comment dans ce dernier voyage, en fait, on a presque envie de dire Soutine a toujours fait un dernier voyage. Quand il quitte la Russie, il vient à Paris, il arrive en 1913, il y vient en disant « à Paris enfin, il n'y aura plus de pogrom ». Les Allemands vont investir Paris en 1940, il va retrouver à Paris ce qu'il fuyait. Et dans sa propre peinture, en fait, qui est une peinture très très violente, très affirmée, très visuelle, il ne va cesser d'essayer, d'éviter, d'oublier ce monde violent dans lequel il est né, dans lequel il continue à vivre, pour représenter un peu, sinon l'invisible, en tout cas le sentiment d'une perception qu'il a du modèle qu'il peint, qu'il s'agisse d'un homme, d'un lapin ou d'un dindon. Roland de Causse, il y a quelque chose de commun entre ce dernier voyage de Soutine que nous raconte Bernard Géniès et ce que vous nous racontiez du dernier voyage aussi de Nathalie Sarraute. Oui, ce moment où je l'ai, enfin dans ma voiture, le fourgon mortuaire était derrière moi et je l'ai accompagné. Formellement, Bernard Géniès, vous dites que c'est un véritable tableau, ce livre. Oui, parce qu'il est peint d'abord par petites touches, même si Soutine n'a jamais peint forcément de petites touches, ses touches sont très affirmées. Mais en effet, il est composé à l'aide de petits paragraphes, de petites séquences, qui, comme dans un tableau de Soutine, c'est une promenade. Ça peut paraître un petit peu paradoxal dans la mesure où ces tableaux affirment une grande force. Mais le regard, en fait, dans le tableau, face à un tableau de Soutine, le regard est obligé de bouger. Il n'y a pas un motif central, etc. Roland de Causse parlait tout à l'heure du cubisme. Soutine a exécré le cubisme. Pour lui, il y a toujours un rapport au réel. Et je pense que ce livre, en effet, nous fait voyager à travers la vie de Soutine, son parcours, un peu comme un de ses tableaux, en effet, où l'œil ne cesse d'être attiré par des scènes, par des moments, par des séquences, par des impressions. Très important dans ce livre, les impressions, même si Soutine n'est pas du tout un impressionniste, c'est plutôt un expressionniste. Et je trouve qu'en effet, ce livre est composé de cette manière-là. Comme un tableau où le regard ne cesse d'être sollicité par des propositions, des interventions, par des images, en fait. Et Picasso vous aurait dit qu'il ne peignait que le réel. Merci beaucoup Bernard Géniès. Donc tout cela retrouvé dans l'Obs et beaucoup de choses encore, j'imagine, dans ce numéro. Comme toutes les semaines, bien entendu. À bientôt, Bernard. Merci. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture, une compagnie qui s'achemine doucement dans sa dernière ligne droite d'une semaine consacrée à Nathalie Sarraute. Michel Gazier nous a rejoint pour évoquer ses rencontres avec l'écrivain des tropismes. Je ne me suis jamais dit même une seconde que je changerais quelque chose à la littérature, enfin tout ça est complètement hors de mes préoccupations, et fort heureusement pour moi, parce que comme je suis restée pendant 25 ans sans non seulement rien changer dans la littérature avec un grand L, mais même dans les quelques critiques qui pouvaient écrire sur moi. Enfin, et vous l'avez éprouvé pour des auteurs vous-même, pour Kafka, pour Proust, pour Joyce. Je l'ai éprouvé pour ces auteurs, mais je n'établis pas de classement avec les autres auteurs. Et voyez comme le livre que je suis en train d'écrire répond à cette question indirectement, c'est que justement, je disais que chacun de nous est tout et rien, et personne, de l'intérieur, il me semble, sauf dans des moments d'aberration et de conformisme, ne cherche à se classer où que ce soit. Il est, puis c'est tout. Ce qu'il est, il n'en sait rien. Les autres le sauront peut-être un jour. Vous ne le savez pas. Ah, évidemment pas. Bonjour Michel Gazier. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux romans que vous publiez souvent aux éditions du Seuil, comme Mont perdu, Un soupçon d'indigo, L'homme à la canne grise, Les convalescentes plus récemment. Et on peut dire que vous avez été influencé par Nathalie Sarraute, même si elle prétend, comme on vient de l'entendre, qu'elle n'a pas eu d'influence sur les écrivains qui lui ont succédé. Je ne sais pas si elle m'a influencé. Je ne peux pas comparer ce que je peux écrire à ce qu'a écrit Nathalie Sarraute. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle m'a encouragée effectivement à écrire et que un roman que j'ai écrit de son vivant, parce que j'ai écrit pas mal de choses, beaucoup après sa mort, bien sûr. Et ce roman, je l'avais, qui s'appelle L'histoire d'une femme sans histoire. J'avais pensé, bon, c'était le portrait de ma tante, mais il s'avère que quand je rencontrais Nathalie Sarraute, je pensais beaucoup à cette tante que j'ai beaucoup beaucoup aimée et qui a été quelqu'un, une figure importante dans ma vie. Et donc j'ai mélangé des traits de caractère de Nathalie Sarraute et de ma tante. Et elle a lu le livre, je lui ai envoyé en tremblant, elle m'a téléphoné et elle m'en a parlé de façon absolument extraordinaire. J'étais, je ne sais pas, j'ai dû entendre la moitié des choses qu'elle m'a dites tellement j'étais émue. Et elle insistait sur un certain nombre de caractères du personnage en me disant « mais ça, c'est une femme formidable ». J'ai jamais osé lui dire que c'était elle. Ça doit pas être simple de faire lire son travail à Nathalie Sarraute. Ah non, c'était très inconfortable. En plus, je dois dire que moi j'ai connu Nathalie Sarraute au départ de ma place de critique littéraire. C'était une première rencontre tout à fait... Travaillé à Télérama. J'ai travaillé à Télérama et on m'avait demandé à Télérama si je pouvais aller la rencontrer pour faire un entretien. Et c'était une période de ma vie particulièrement difficile et j'étais seule avec mes deux filles qui étaient petites et j'avais très très peu de temps libre en dehors des horaires où je devais aller à Télérama. Et donc, je l'appelle en tremblant et je lui dis « Est-ce que vous accepteriez ?» etc. Elle me dit « Très volontiers. » Et elle me dit à quel moment voulez-vous venir chez moi ? Donc elle me dit, voulez-vous venir demain, je ne sais plus quelle heure ? Je lui dis, non, je ne peux pas. Elle me propose une deuxième date. Je lui dis, non, je ne peux pas. Et elle me dit, alors vous pouvez quand ? Et je m'entends lui répondre tout de suite. Et elle éclate de rire et elle me dit, je vous attends. Et j'ai donc débarqué chez elle avec mes paquets, j'avais fait les courses pour la maison, enfin voilà, une femme occupée. Et je crois que ça l'a touchée parce que quand elle m'a vue, elle m'a dit, c'est fou, vous ressemblez à ma fille Anne, j'ai l'impression de la voir. Et elle m'a prise dans ses bras et elle m'a comme protégée. Oui, donc c'est une personne qui est arrivée, pas une journaliste qui a sonné à la porte de Nathalie Sarraute. Vous y avez même parlé des difficultés de votre mère. Oui, bien sûr, parce que voilà, je me suis sentie immédiatement en confiance, mais en confiance dans la parole. Autre chose est dans l'écriture, c'est-à-dire que je pouvais avoir avec elle des échanges tout à fait libres, parce qu'elle était, elle, d'une grande liberté. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que je pouvais lui dire des choses que je ne pouvais pas dire à d'autres. Mais de là à lui passer un texte écrit, parce que quand nous étions dans la parole, d'une certaine manière, on était dans une forme d'affection, d'affect en tout cas. Dans l'écriture, c'est autre chose. Dans l'écriture, j'étais une toute petite chose et elle était quelqu'un que j'admirais depuis l'âge de mes 13 ans. Difficile de faire lire son travail à Nathalie Sarraute, difficile aussi peut-être d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a théorisé la sous-conversation. On doit tout le temps être en train de se demander, mais quel est le sous-texte de ce qu'on est en train de raconter ? Non, pas du tout, parce que je crois que, bon, une chose était effectivement ce travail qu'elle faisait sur le langage. Enfin, je voudrais ajouter une petite chose. Je pense que l'écriture et la langue de Nathalie Sarraute, elle est cernée d'autres langues. Il y a le russe qui est derrière. Et je pense qu'elle a ce goût de la langue française qui n'est pas la seule langue, qui est une ou l'autre langue, suivant les moments qu'elle était en Russie et en France. Et donc je voulais juste faire ce petit point sur l'écriture et sur la langue. Mais dans la conversation, elle était... j'ose dire, une amie, enfin, je pouvais lui confier des choses que je n'aurais pas osé dire à des gens que je connaissais plus qu'elle, parce que j'avais le sentiment qu'elle m'écoutait complètement. Alors, nous étions toutes les deux mères de filles, c'était extrêmement important. Elle avait 3 filles, j'en ai 2, donc nous parlions des filles, et elle était une féministe, une vraie féministe. Et elle me disait, je me souviens très bien, Michel, n'oubliez pas, dites à vos filles que c'est pas gagné, qu'il va encore falloir se battre. Une conversation dans laquelle vous pouviez rire très souvent même. Oui, beaucoup. On riait beaucoup. Elle était drôle, elle était bondissante, comme le disait tout à l'heure Roland de Causse. Elle avait un regard qui pétillait, qui regardait comme ça de façon... Elle vous radiographiait d'une certaine manière. Et elle était drôle parce que, bon, c'était les conversations. Je crois qu'elle recevait, elle nous recevait toutes les personnes qu'elle recevait. Il y avait aussi Viviane Forrester qui était une de ses amies. Et elle nous recevait à 5h. Et si on avait 5 minutes de retard ou 10 minutes de retard, elle avait déjà commencé à boire son whisky. Parce que 5h... Whisky Perrier quand même. Whisky Perrier. Mais pas mal de whisky et un peu de Perrier. Moi, c'était le contraire. Oui. Parce que sinon, je n'aurais pas tenu le choc. Tu veux pas parler. Tu veux pas que je le dise. Tout reste encore indéterminé. Ah mais rappelle-toi, Barbara, tu ne t'appelles pas comme ça. Ça peut servir pour les souvenirs. Mais elle veut pas qu'on la touche. Elle veut même pas qu'on la voie. Voilà, veux-tu que je regarde? France Culture, la compagnie des auteurs, Michel Gazier. Quand vous avez découvert Nathalie Sarraute, c'est avec un livre, Le Planétarium. Voilà, oui, je pense, je n'ai pas le souvenir de l'avoir acheté, mais je pense que je l'ai pris chez à la bibliothèque. Non, parce que ça venait de paraître et donc chez mes parents, il y avait des choses qui étaient plutôt plus anciennes. Donc j'allais à la bibliothèque municipale et le bibliothécaire était un ami de mon père. Il surveillait mes lectures. Ah oui. Et il m'a laissé prendre ça. Il y en avait d'autres où il appelait mon père. Peut-être qu'il ne savait pas tellement ce qu'il y avait dedans en réalité. Je pense qu'il ne savait pas trop, le planétarium. En fait, je pense que voilà, je suis donc repartie à la maison avec ce livre et ça a été une découverte. C'est une découverte parce que je pense que les adolescentes, en tout cas l'adolescente que j'étais, était assez obsessionnelle, assez angoissée pour essayer de ordonner le monde autour d'elle pour que les choses se passent le mieux possible. C'est quelque chose de magique dans l'ordre. Et cette femme dans le planétarium qui se lève la nuit pour vérifier que les poignées de porte sont en accord avec les rideaux, qui a cette espèce d'angoisse de la perfection de la perfection de l'environnement, de la boîte complètement aboutie, on est dans ce milieu clos, etc. Moi, ça me convenait parfaitement. Mais c'est terrible, ce perfectionnisme-là. Mais c'est terrible, mais je crois que, enfin, en tout cas, dans ma génération, et en tout cas moi, j'étais comme ça, j'étais complètement dans... C'était une forme d'angoisse. L'ordre, c'est quelque chose qui apaise. à un certain moment. Après, on aime mieux le désordre. Mais je crois que pour bien aimer le désordre, il faut avoir abordé ce moment où l'ordre est celui qui vous permet de vous, finalement, de vous construire et aussi de vous détruire. Parce que, comme le personnage, je pouvais me lever la nuit pour vérifier un certain nombre de choses sur le parallélisme entre des objets sur mon bureau, etc. Oui. Mais Nathalie Sarraute était sans doute comme ça pendant une très grande partie de sa vie. Est-ce qu'elle s'était, j'ai envie de dire, assouplie de ce point de vue-là dans ses dernières années, voire ses dernières décennies, puisque elle, quand elle se levait la nuit, c'était à la fin plutôt pour boire une vodka et manger du saucisson. Oui, mais elle était très coquine. Je crois que c'est Soulages, dont elle avait un tout petit tableau chez elle, Pierre Soulages qui m'a dit, elle était vraiment coquine, et quand elle était toute petite, et Soulages très grand, et donc elle s'accrochait à son cou, et les pieds, disait-il, de Nathalie Sarraute ne touchaient pas par terre. voilà. Donc, tout ça pour dire que bon, elle était malicieuse, elle était bondissante. Je pense que la dame un peu austère, que les photos, dont les photos rendent compte, c'est pas vraiment elle, c'est une facette d'elle. Elle a sûrement traversé des moments dans sa vie. Elle a eu une tuberculose, elle a été très très malade autour de la quarantaine. Donc je pense que ça l'a effectivement marqué. Je ne parle pas de la guerre, mais évidemment ça va de soi. Mais à la fin de sa vie, elle avait quelque chose de la vieille dame indigne, et c'est ce que j'aimais chez elle, parce que je crois que ce qu'on peut se promettre à soi-même quand on est une femme, c'est de devenir une vieille dame indigne. Bon, on vous le souhaite. elle parlait de Soulages, elle parlait de la peinture aussi en général, comme nous le disait tout à l'heure Roland Cos. Alors, moi j'ai eu un grand entretien avec elle, en dehors de ce premier entretien. Je lui ai demandé un jour, un peu comme ça aussi, un peu en tremblant, est-ce qu'on pourrait faire un grand entretien, c'est-à-dire bon, sur plusieurs heures, etc. Et elle m'a dit, bien sûr, d'accord. Donc, on a fait ça sur trois séances. Je l'ai proposé à Télérama et Télérama a lambiné pour le publier. Et comme je pensais qu'il était plus important... Je l'ai proposé à l'Obs, enfin, Bernard Genièse. C'est le Monde qui l'a publié. C'est le Monde qui l'a publié avec un appel à la une. Je n'étais pas peu fière. Ça m'a valu à Télérama un sermon un peu compliqué, mais c'était pas... Je leur ai dit ce que je pense toujours, que entre les caprices d'un journal et une dame comme elle, il n'y avait pas photo. C'était elle qui primait. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, Michel Gazier? Vous nous avez dit au début de cet entretien ce qu'elle a pu vous apporter sur un plan littéraire, sur un plan plus existentiel. Est-ce que vous retenez quelque chose comme une leçon de Nathalie Sarraute? Oui, beaucoup de choses. Pour en revenir à la peinture, nous avons eu au cours de cet entretien dont je viens de parler, je l'ai interrogée sur la peinture et elle disait qu'elle aurait aimé que l'écriture puisse être aussi avant-gardiste, aussi culottée que l'était la peinture. Et elle prenait l'exemple du jaune. Elle disait en littérature, quand on veut parler du jaune, on dit un citron. Mais en peinture, il y a longtemps qu'on se passe des citrons pour mettre du jaune. Si on veut mettre du jaune sur une toile, on met du jaune. Et je trouve que cette utilisation comme ça de la peinture comme modèle, c'est-à-dire passer outre les codes de la langue pour leur donner une autre force, pour donner à la langue quelque chose de vrai et de profond, c'est quelque chose qui m'habite et qui m'accompagne. Voilà, une leçon de peinture qui est aussi une leçon de vie. Merci beaucoup, Michel Gazier. Je vous propose de terminer cette émission, comme chaque jour, en écoutant Jacques Bonnafé. Il nous lit cette semaine des textes de Jacques Reda. Bonjour. La poésie, en somme, est bien barométrique. Un soleil rayonnant rend le poète heureux. Mais que le ciel devienne obscur ou sulfureux et son cœur fluctuant, c'est trique. Voilà pour l'ordinaire, il faut dire, pourtant, je devine la chose aisément explicable, que trop d'intensité dans la gloire m'accable et que le gris me fait content. Jacques Reda. Facile de suivre Jacques Reda, quoi qu'il ait dit, on est sûr de tomber, de retomber sur quelques cas rares, insolites, perles aux bizarreries, la réflexion ouvrant à la musique ou inversement, aux animaux, aux bêtes, écoutez, je vous aime comme on peut aimer l'ordre et l'innocence. Par les sentiers des bois où parfois je recense vos empreintes dans le limon, par les prés où longtemps vous demeurez placide dans un nuage de douceur, sans souci de l'orage ou de l'écarisseur, à la fois obtuse, lucide, transparente plutôt pour vous-même, je crois voir quelque chose de céleste dans l'ombre de vos yeux, les bons qui vous délestent des doutes ou des désarrois. Auprès de vous, je sens notre vie anormale, faussement terrestre, tandis que s'il reste ici-bas trace d'un paradis, c'est grâce à la vie animale, au pelage, sabots, crocs, cornes et naseaux qui peuplent encore la terre, à vos voix dont le son souvent rudimentaire, depuis l'âne jusqu'aux oiseaux, semble monter du fond de l'arche vagabonde quand va s'arrondir l'arc-en-ciel et surgir le premier rameau providentiel, fleur des pâturages du monde. Vous n'avez pas rompu le pacte avec le Dieu qui parfois, dit-on, vous habite, et lancé comme nous sur une folle orbite, vous ne quittez pas le milieu, mais renaissez toujours les mêmes, sans histoire, sans archives ni monuments, absorbés tout entier dans le flux des moments quand la terreur du transitoire qui nous presse, nous fait bâtir, établir des répertoires où vos espèces aussi vont en troupeau de colonnes épaisses, les disparus, les liquidés, tous ceux qui seront morts dans une décennie ou éléphant, dernier chaînon d'un long rêve réglé que nous exterminons, attend notre propre agonie. On interrompt le poème, non sans citer le travail récent de Jacques Reda sur Jean de La Fontaine, car il est temps de nous séparer. Choisissons comme un hymne cet hommage à Valérie Larbeau. Or, yo también someday vorai un poème schreiben aussi beau que celui dont le titre est « La neige ». Metwurz fera toutes les sprachen d'Europe venidos et faisant de la phrase un allègre cortège. Vos hand in hand bailan con il vecchio seigneur latin et telles vont en rond de grandes jeunes filles. Il tedesco mitlaut in het castellana vovel, mais après vous, c'est des balles et des pacotilles. Puis vos vers, quelle neige en effet les a recouverts. Grand silence tombé sur vous comme une foudre muette et vous emprisonnant vivant dans l'univers des morts. Ah, Barnabout, mourir est peu, mais se résoudre à végéter dans le silence et l'immobilité. Sentir tomber pendant 20 ans, dans la même syncope, un corps soudain, de sa parole aux trois quarts amputés. Et l'incessant parcours à travers les livres, l'Europe, sur la chaise entre quatre murs désormais rétrécis. Pourtant, je pense au dernier mot qui fit bouger vos lèvres, et pour vous, je voudrais l'écrire encore, c'est merci. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost, ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Jacques Bonafé, comme chaque jour dans la compagnie des auteurs, en ce dernier numéro d'une semaine consacrée à Nathalie Sarraute. Un grand merci à vous, Roland Cos et Michel Gazier, pour cette conversation autour de vos conversations avec Nathalie Sarraute. Je signale la parution imminente de votre livre, Roland Cos, intitulé justement Conversation avec Nathalie Sarraute, c'est au seuil. Et le vôtre, Michel Gazier, Nathalie Sarraute l'après-midi, apparu aux éditions Naïve en 2010 avec des illustrations de Denis Deprez.